إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنشرع بإذن الله في الدرس الثاني من شرح القواعد الأربع دونك بإذن الله Nous entamons le deuxième cours concernant le commentaire des quatre règles de base. ثم قال يعني المؤلف فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه Donc l'auteur Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, nous dit « Lorsque tu as su que si jamais le polythéisme vient à se mélanger à l'adoration, il la rend vaine, il la rend caduque, l'œuvre vient à tomber et celui qui a fait cela, celui qui est tombé dans cela, il sera voué éternellement en enfer, alors tu auras su que le plus important pour toi est le devoir qui t'incombe est de connaître cela pour qu'Allah te sauve de cet engrenage qui est le polythéisme, l'association à Allah, sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit Al-Shabaka, c'est le filet. C'est comme un filet pour attraper les poissons. Et ce filet, c'est quoi? C'est le polythéisme qui vient à t'amener à ta perte et à être voué éternellement en enfer. Sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens du verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et cela, en allant apprendre à connaître quatre règles de base qui ont été citées par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre, le Coran. يعني بهذا نعرف ماذا عن أعظم جرم وأعظم ذنب وأكبر الكبائر وأعظم وأكبر منكر هو الشرك بالله وأفضل عمل وأفضل وأكبر معروف هو توحيد الله تبارك وتعالى فإذا قلنا لك أن من الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأول وأفضل وأكبر معروف تدعو إليه ما هو؟ هو لا إله إلا الله، هو توحيد الله تبارك وتعالى. وتعلم أن أكبر وأعظم منكر، جريمة التي تنكرها على الناس وتدعو الناس إلى تركها والابتعاد منها، هو الشرك بالله، هو الشرك بالله. Donc, de par là, tu sais que le plus grand bien, la plus grande recommandation que tu peux faire, la chose à laquelle tu dois appeler en premier lieu, c'est au monothéisme. De vouer un culte exclusif à Allah. La mise en application de la ilaha illallah. Et que le plus grand mal, le plus grand péché, la plus grande erreur, le plus grand crime, la plus grande injustice, c'est de donner à Allah un égal, d'associer qui que ce soit ou quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le polythéisme dont Allah ne pardonne pas. Et parmi les règles de l'islam, il y a de commander le convenable et d'interdire le blâmable. Le plus grand convenable, qui est prioritaire, et le premier à laquelle tu dois inviter, c'est la mise en application de la ilaha illallah, le tawhid, le monothéisme, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'interdire le blâmable, le plus grand blâmable auquel tu dois avertir les gens, contre lequel tu dois avertir les gens, c'est le polythéisme, lequel Allah tabaraka wa ta'ala ne pardonne pas. ثم قال يعني المؤلف القاعدة الأولى. القاعدة الأولى يعني كل ما قرأناه فيما سبق كان مقدمة حتى ندخل في صلب الموضوع. Donc puis il dit la première règle. Ceci veut dire que ce qu'on a lu auparavant est une introduction pour te faciliter l'entrée dans le vif du sujet. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Première règle est que tu saches que les mécréants qui ont été combattus par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reconnaissent, ont la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui pourvoit, qui donne la subsistance. Et c'est lui qui gère sa création. Et avec cela, avec cette conviction, avec cette croyance, ils ne sont pas entrés dans l'islam. Et la preuve de ça, c'est la parole divine dans le sens du verset dit, c'est-à-dire ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô mécréants, ô polythéistes de la Mecque, dit, qui vous donne la subsistance du ciel et de la terre, et qui possède l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui gère sa création, ils te diront, ils te répondront Allah. Dis-leur, pourquoi donc vous n'êtes pas pieux, vous ne faites pas preuve de piété. Al-Sharh, le commentaire. Wa aqul, yani al-Sheikh al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Muqtada hadhihi al-qa'ida, anna tawhid al-rububiyya, لا يدخل به أحد في الإسلام فمن أقر بتوحيد الربوبية أقر بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي والمميت الذي يصح ويمرض والذي يغني ويفقر والذي يسعد ويشقي من أقر بهذا لا يدخله إقراره به في الإسلام لأن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور فلم ينفعهم ذلك شيئا لأنهم عبدوا مع الله غيره وكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا البعث وكفروا بالقرآن وأنكروه وزعموا أنه سحر أو كهانة فمن آمن بواحدة من هذه الأربع وكفر بثلاث أو من آمن بثلاث وكفر بواحدة فإنه يعتبر كافرا بعد أن تقام عليه الحجة. Donc, parce que le charh est un peu long, on va commencer à traduire. Donc, le commentateur Cheikh Najm Rahmallah dit, je dis que ce qui résulte de cette règle, la première règle, est que l'unicité dans la seigneurie ne fait pas entrer la personne dans l'islam. Ça ne suffit pas pour être musulman d'avoir l'unicité dans la seigneurie. Donc celui qui reconnaît l'unicité dans la seigneurie en reconnaissant qu'Allah, c'est lui qui crée, c'est lui qui pourvoit, qui donne la subsistance, c'est lui qui gère, c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort, c'est lui qui donne la bonne santé, qui donne la maladie, c'est lui qui donne la richesse et qui donne la pauvreté, c'est lui qui amène le bonheur ainsi que le malheur. Celui qui a reconnu ça, cette reconnaissance, cette conviction ne le fait pas entrer dans l'islam. Ça ne suffit pas pour entrer dans l'islam. Car les polythéistes qui ont été combattus par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient convaincus. Ils avaient cette conviction qu'Allah, c'est lui qui crée, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui gère toute chose dans sa création. Et cela ne leur a pas été bénéfique, car ils ont adoré avec Allah autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont mécru au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont renié la ressuscitation après la mort. Et ils ont mécru au Coran, et ils l'ont rejeté, et ils ont prétendu que c'était de la sorcellerie ou du charlatanisme. Donc, celui qui croit en une de ces règles et qui mécroit aux trois autres, ou alors qui croit en trois de ces règles et mécroit en une, il sera considéré comme mécréant après que la preuve lui soit montrée, après qu'on lui ait ramené les preuves. يعني هنا يتحدث عن توحيد الربوبية حتى تعلموا معنى الكلمات. التوحيد قال علماؤنا التوحيد ينقسم إلى ثلاث: توحيد الألوهية، وتوحيد يسمى أيضا توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. باختصار توحيد الألوهية والمسمى أيضا بتوحيد العبادة، هذا المعني به هم نحن الجن والإنس، أن تكون عبادتنا خالصة لله تبارك وتعالى لا شرك فيها، أن أعمالنا تكون خالصة لله تبارك وتعالى، نعبد الله ولا نشرك به شيئا، أن نوحد الله في أفعالنا نحن، هذا هو المعنى بتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية المعني به أفعال الله تبارك وتعالى، أنه واحد فيها لا شريك له، هو الخالق لا خالق مع الله، هو الرازق لا رزق مع الله سبحانه وتعالى، هو المدبر وهو المحيي وهو المميت. أفعال الله تبارك وتعالى واحد فيها سبحانه وتعالى لا شريك له، هذا هو توحيد الربوبية. والأسماء وصفات، أن لله تبارك وتعالى أسماء حسنى وصفات علا وليست لأحد سوى الله تبارك وتعالى، ونقبلها كما جاءت في القرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بلا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، كما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية هذا اعتقده غالب المخلوقات، الإنس غالبهم يعتقدون توحيد الربوبية، ولكن الإشكال أين؟ في توحيد الإلهية الألوهية العبادة، يعلمون بأن الله هو الرازق والمدبر والمحيي والمميت، لكن في العبادة يشركون. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني عندهم توحيد الربوبية لكن في الألوهية يشركون مع الله تبارك وتعالى، فلم يدخلهم ولم يدفعهم ذلك الاعتقاد. لماذا؟ لأن هذا لا يكفي لدخول. Donc, pour aussi bien comprendre les termes, on emploie les termes et j'espère que tout le monde les comprend. Que les ulama nous disent que le monothéisme, l'unicité d'Allah, est composé de trois sortes. L'une qu'on appelle Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans la divinité. Et qu'on appelle aussi l'unicité d'Allah dans l'adoration. Tawhid al-Ibadah. Deuxièmement, Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Et troisièmement, Tawhid al-Asma'i wa sifat, l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. En résumé, Tawhid al-Uluhiyya, c'est l'unicité d'Allah dans nos actes à nous les créatures, nous les djinns et les hommes. Que lorsqu'on a accompli des adorations, on les fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un culte qu'on rend exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Donc, il concerne nos actes à nous. Qu'on unifie Allah tabaraka wa ta'ala dans nos actes. Tawhid al-Rububiyya concerne les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est le seul à les faire. C'est lui le créateur, il est le seul à créer, il n'a aucun associé. C'est lui qui donne la subsistance, il est le seul à donner la subsistance. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, il est le seul dans ses actes. Et ce genre de tawhid, de la seigneurie, la majorité des créatures, ils l'ont. Même les polythéistes, ils l'avaient, on vient de le voir. Et c'est pour cela qu'Allah il nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et la plupart d'entre eux ne croient qu'en étant polythéistes. » C'est-à-dire, ils croient, ils ont l'unicité de la seigneurie, mais dans l'adoration, ils adorent d'autres qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça ne suffit pas l'unicité dans la seigneurie pour devenir musulman ou pour entrer dans l'islam. Et ça ne leur est pas bénéfique tant qu'ils n'ont pas le monothéisme total. Et l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs, et c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, à lui appartient les plus beaux noms et les attributs les plus élevés. On les accepte comme ils nous ont été cités dans le livre d'Allah et dans la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On les accepte comme ils nous sont parvenus, sans rien altérer, sans leur donner de ressemblance avec les créatures, sans les rejeter ni les renier, on les accepte comme ils nous ont été cités dans le Coran et la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وهنا يخطي بعض من لا يفهم ولا يفقه التوحيد ككثير من جماعة التبليغ، هؤلاء الذين يقولون بأنهم يدعون إلى الإسلام وهم أحوج أن يدعوا إلى الإسلام لأنهم يدعون الناس بجهل بغير علم وتسمعونهم يقولون لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله أن الله هو المحيي والمميت هذا توحيد الربوبية وليس هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله هذا خطأ لا إله إلا الله في كلمة إله والإله بمعنى المألوه بمعنى المألوه يعني المعبود أله يأله يعني عبد يعبد ومنها كلمة إله فالإله هو معبود ولهذا كل من عبد يسمى إلها والجمع آلهة ولهذا حين عبد البعض الأصنام سميت هذه الأصنام بآلهة سميت ماذا؟ لماذا؟ لأنها عبدت فكل ما يعبد يسمى إله ولكن هذه كلها آلهة باطلة والإله الحق هو الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله أما المعبودات فكثيرة هناك من يعبد الأصنام ومن يعبد الأحجار ومن يعبد الشمس ومن يعبد النجوم ومن يعبد النساء ومن يعبد الرمل ومن يعبد الماء المعبودات لا تحصى ولكن كلها باطلة والمعبود بحق هو رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى فهؤلاء يقول ندعو إلى الإسلام أي إسلام إذا جهلتم أصل الإسلام فما بالكم بالباقي الأعمال لا تقبل إلا إذا صح الأصل Donc je disais, et il est désolant de voir que certains, comme Jama'at al-Tablir, qui prétendent prêcher à l'islam, alors qu'ils en sont plus dans le besoin d'être prêchés à l'islam, vu qu'ils prêchent avec ignorance au lieu d'aller apprendre leur religion. Et ils disent, quand ils expliquent la signification de « La ilaha illallah » en disant « La ilaha illallah » cela veut dire que Allah c'est lui qui a créé, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Cette explication, ce n'est pas l'explication de « La ilaha illallah ». Si c'était ça « La ilaha illallah », les polythéistes, ils l'avaient. Ils avaient l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. « La ilaha illallah », dedans il y a le terme « ilah ». Le terme « ilah » veut dire « celui qui est adoré ». La divinité, c'est celui qui est adoré. Et c'est pour cela que tout ce qui est adoré, on l'appelle divinité. Les idoles, les statues qui ont été adorées par les polythéistes, on les a appelées des divinités. Ça s'appelle des divinités. Car tout ce qui est adoré, de par ça, il devient divinité. Mais ce sont toutes des divinités vaines, fausses. La véritable divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci parce qu'Allah est la vérité. Et tout ce qui est en dehors de lui, et tout ce qui est adoré ou invoqué en dehors de lui, n'est que le faux. Et qu'Allah, il est l'élevé, et il est le grand et le puissant, subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ne comprennent même pas le sens du terme « ilah ». Et ils disent « nous prêchons l'islam ». Quel islam vous prêchez ? Si la base même de la religion, qui est « la ilaha illallah », vous n'arrivez pas à l'expliquer convenablement aux gens, qu'en est-il du reste de l'islam ? Et toutes les règles, si la base n'est pas bonne, elles ne sont pas bonnes, subhanallah. Car c'est la condition de validité. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة il nous donne الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله la définition du terme عبادة il dit c'est un terme général englobant tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes intérieurs et extérieurs. Voilà une définition concise, claire, du terme ibada. Wal ibadatu la tuqbal illa bi shurutiha. Et l'adoration n'est acceptée qu'avec ses conditions. Wa hiya al-ikhlas an yakuna hadha al-amal khalisan lillahi tabaraka wa ta'ala. Première condition, la sincérité. Que cet acte est voué exclusivement, réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah avec sincérité, à lui appartient la religion. Ala lillahi ad-dinul khalis. N'est-ce pas qu'à Allah appartient la religion de sincérité? Fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Adore donc Allah sincèrement, à lui appartient la religion. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Que celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe personne ni quoi que ce soit dans son adoration à son Seigneur. Donc, إذن الإخلاص ومن قام بهذا فقد طبق شهادة لا إله إلا الله. Et celui qui aura fait ça, il aura mis en application le témoignage de la ilaha illallah, que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas wa thani hadhihi ash-shurut al-mutaba'ah wal-muwafaqah li sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième condition, que cette œuvre soit selon les enseignements, le suivi en conformité avec les ordres et les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qala alayhi salatu wa salam, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Wa qala alayhi salatu wa salam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre enseignement est à rejeter. Et dans une autre version, celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie est à rejeter. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna Allaha shadidul 'iqab. Et Allah nous dit dans le sens du verset: et ce que le messager vous donne, vous ordonne, prenez-le, appliquez-le, mettez-le en pratique. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est douloureux dans son châtiment. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre, l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'un trouble ne les touche ou un châtiment douloureux. طيب. ثم قال الشارح رحمه الله. Puis le commentateur رحمه الله nous dit: فمن اعتقد ربوبية الله على كل شيء واعتقد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم واعتقد البعث بعد الموت ولكنه استباح اتخاذ وسائط مع الله عز وجل يدعوهم من دون الله ويزعم أنهم شفعاء إلى الله، فإنه في هذه الحالة لا تقبل منه صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، ولا يقبل الله منه أي عمل صالح، لقوله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وبالله التوفيق. Donc, Celui qui a la conviction de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toute chose, qu'Allah dans tous ses actes, il est l'unique, et qui a la conviction du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que on sera ressuscité après la mort. Mais au même moment, il se permet de prendre des intermédiaires entre lui et Allah. Il les invoque en dehors d'Allah. Et il prétend que ce sont ceux qui vont intercéder pour lui auprès d'Allah. Dans cet état-là, cette personne, rien n'est accepté de lui. Ni la prière, ni le jeûne, ni la zakat, ni le pèlerinage. Et Allah n'accepte de lui aucune bonne œuvre. Car Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et certainement il a été révélé à toi, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu viens à associer, tes œuvres tomberont, tes œuvres seront vaines, et tu seras parmi les perdants. » « Qawluhu, ya'ni fil matn, al-qa'idatu thaniya, annahum yaquluna, ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه طيب في الأوتور محمد عبد الوهاب رحمه الله ندي دوزيام غيغل. Ils prétendent, ils disent, ceux qu'on invoque, ceux qu'on adore, on nous les a invoqués et nous nous sommes rapprochés d'eux que pour gagner le rapprochement et l'intercession. Et la preuve du fait d'être rapproché, c'est la parole divine dans le sens du verset. Et ceux qui ont pris des intermédiaires en disant, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Certes, Allah jugera entre eux dans là où ils divergeaient. Certes, Allah ne guide pas celui qui est menteur et qui est mécréant ou ingrat. Et la preuve de l'intercession est la parole divine, dans le sens du verset, et ils invoquent ou ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni être nuisible ni être bénéfique pour eux. Et ils disent, ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et l'intercession est de deux sortes. Celle qui est rejetée et celle qui est reconnue. Celle qui n'est pas acceptée et celle qui est acceptée. Celle qui n'est pas reconnue, c'est lorsque tu demandes à autre que Allah ce dont il n'y a que Allah qui en est capable. Et la preuve, c'est la parole divine dans le sens du verset. Ô vous qui avez cru, donnez de ce qu'on vous a octroyé avant qu'un jour ne vienne et dont les biens et l'intercession ne seront d'aucune utilité. Et les mécréants, ce seront eux les injustes. Et l'intercession qui est reconnue, c'est celle qui est demandée à Allah tabaraka wa ta'ala directement. Et celui qui intercède, l'intercesseur, hein, c'est un don, c'est un bien qu'Allah lui a donné du fait de pouvoir intercéder. Et celui qui gagne cette intercession, celui qui bénéficiera de l'intercession, c'est celui dont Allah a agréé ses paroles et ses actions après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le sens du verset, qui donc peut intercéder auprès de lui si ce n'est après sa permission. Al-Sharh, donc le commentaire. مقتضى هذه القاعدة أن الذين عبدوا غير الله لم يعبدوهم على أنهم هم الذين خلقوا هذا الكون وهم الذين رزقوا من فيه وهم الذين أحيوا الأحياء وأماتوا الموتى ولا أنهم هم الذين ينزلون الغيث من السماء أو أنهم هم الذين ينبتون النبات من الأرض كل ذلك ما كانوا يعتقدون أنهم يتصرفون فيه ولكن كان قولهم وحجتهم أنهم عبدوهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله حيث قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وحيث قالوا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc on va commencer à traduire. Donc le commentaire. Donc ce qui ressort de cette règle, cette deuxième règle, est que ceux qui ont adoré autre que Allah, ils ne les ont pas adorés en prétendant que ce sont eux qui ont créé cette création ou que c'est eux qui ont donner la subsistance à ceux qui s'y trouvent dans cette création, ni que c'est eux qui ont fait vivre les vivants ou alors mourir les morts, et que ce n'est pas eux qui ont fait descendre la pluie du ciel, et ce n'est pas eux qui ont fait pousser la récolte de la terre. Tout cela, ils n'en avaient pas la conviction. Jamais ils ont prétendu cela. Les polythéistes n'ont jamais dit ça. Mais leur parole était, avec leur argumentation, ils disaient, nous les adorons pour pouvoir gagner leur intercession auprès d'Allah. On va dans leur adoration, on les adore pour qu'ils puissent intercéder auprès d'Allah. Pour qu'ils puissent intercéder auprès d'Allah. Ils les ont pris comme intermédiaires entre eux et Allah. De sorte qu'ils ont dit dans le sens du verset, nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et dans l'autre verset, dans le sens du verset, et ils ont dit, ceux-là, ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. ثم قال في الشرح فما كان أحد منهم يعتقد أن تلك الآلهة تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت كل ذلك لم يكن وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن نتيقن أن هؤلاء القوم الذين كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il n'y en avait pas un d'entre eux qui a dit ou prétendu que ces divinités, c'est elles qui créent, qui donnent la subsistance, qui fait vivre, qui fait mourir. Tout cela n'a jamais existé. ils ne l'ont jamais dit. Et puisqu'il en est ainsi, il nous est demandé d'avoir la conviction et la certitude que ces gens-là qui ont eu cette conviction et cette croyance, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les a combattus. إذا علمنا ذلك علمنا أن من كان في هذا الزمان يعبد غير الله يعبد غير الله ويزعم أن فيه الولاية التي تجعله مقربا إلى الله أكثر من غيره وأن الله لا يرد له شفاعة ولا يرفض له طلبا من اعتقد ذلك فإنه يعتبر مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة. Lorsqu'on vient de comprendre cela, il est à savoir que les gens de notre époque à nous, qui adorent autre que Allah, en prétendant que ce sont des saints, des vertueux, et qui sont proches d'Allah, plus proches que quiconque, et qu'Allah, jamais, il ne rejettera son intercession, et il ne rejettera pas une demande venant de lui, celui qui a cette croyance, il est considéré comme polythéiste, d'un polythéisme majeur qui fait sortir de la communauté de l'islam. وَمَا أَكْثَرْ مَنْ عِنْدَهُ هَذَا الْاِعْتِقَادِ. Et il y en a beaucoup qui ont ces genres de convictions. فعلى الإنسان أن يتعلم عقيدته. C'est pour cela qu'il est demandé à la personne d'apprendre son dogme et d'apprendre sa croyance. ثم قال علما بأن الشفاعة تنقسم إلى قسمين شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله عز وجل استقلالا والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله وشروطها اثنان. Donc, tout en sachant que l'intercession se divise en deux. Une intercession qui est rejetée, qui n'est pas acceptée, et une intercession qui est acceptée et reconnue. L'intercession qui est rejetée, qui n'est pas reconnue, c'est celle qui est demandée à autre que Allah indépendamment. Et celle qui est reconnue et acceptée, c'est celle qui est demandée à Allah. Et elle comporte deux conditions. Celle qui est acceptée, elle comporte deux conditions. أولاً أن تطلب من الله عز وجل دون سواه. قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Premièrement, première condition, c'est que cette intercession, elle soit demandée directement à Allah subhanahu wa ta'ala, sans la demander à autre que lui. Allah nous dit dans le sens du verset, qui donc peut intercéder auprès de lui si ce n'est après sa permission. Thaniyan, an yakuna al-mashfu'u fihi mimman adhina Allah lahu fi ash-shafa'ati fihi bi an yakuna muwahhidan. Qala sallallahu alayhi wa sallam lamma sa'alahu Abu Hurayrata radiyallahu anhu من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. Donc deuxièmement, que celui qui bénéficiera de cette intercession soit parmi ceux dont Allah a permis qu'il puisse bénéficier de cette intercession. Et parmi ceux qui pourront bénéficier de l'intercession permise d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il soit monothéiste. Ce soit quelqu'un qui n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un que lorsqu'il adore Allah, il l'adore sans rien lui associer. Il lui voue un culte exclusif. Il n'a pas de polythéisme dans ses actes. Un jour, Abu Huraira radiallahu anhu questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le plus heureux de ton intercession le jour du jugement dernier? C'est qui cette personne qui sera heureuse de part de ton intercession au messager d'Allah le jour du jugement dernier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai pensé, ô Abu Huraira, qu'il n'y a pas une personne qui te précédera pour me poser cette question. Tellement que j'ai vu que tu avais beaucoup de d'acharnement pour le hadith. Tellement que je te vois beaucoup t'intéresser au hadith, j'ai pensé qu'il n'y en aura pas un qui me la posera avant toi cette question. Et il lui a dit, le plus heureux de mon intercession le jour du jugement dernier est celui qui a dit La ilaha illallah avec sincérité de son cœur. Rapporté par Al-Bukhari. وقد جاء في النصوص الشرعية أن الله يعطي الشفعاء الشفاعة فيشفعهم في أقوام قد صاروا حمما فيخرجونهم من النار ثم يدخلونهم الجنة ويضعونهم على نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. Et il y a beaucoup de textes religieux qui viennent nous démontrer qu'Allah donnera aux intercesseurs l'intercession et il leur permettra d'intercéder pour des gens qui ont été brûlés dans le feu de l'enfer jusqu'à être comme de la braise. Et ils les sortiront du feu de l'enfer. Puis ils les feront entrer au paradis. Et ils les mettront dans un fleuve qui s'appelle le fleuve de la vie. Et ils repousseront, après avoir été mis dans ce fleuve, comme la graine pousse de la terre. فَلَا يَنْبَغِي وَلَا يَجُوزُ أن تطلب الشفاعة من غير الله بل الذي ينبغي أن تطلب الشفاعة من الله والله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وجاء في النصوص أن الله يخرج أقواما بعد شفاعة الشافعين من النار لم يفعلوا خيرا يخرجهم بحثيات ثلاث ومن أجل ذلك فينبغي أن تطلب الشفاعة من الله وحده وبالله التوفيق. Donc, il est important de savoir qu'il n'est pas permis de demander l'intercession à autre que Allah, mais celui qui la demande se doit de la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, dans le sens du verset, qui donc peut intercéder auprès de lui si ce n'est après sa permission. Et il a été rapporté dans les textes qu'Allah fera sortir des gens après l'intercession des intercesseurs, il les fera sortir du feu. Ils n'ont fait aucun bien. Il les sortira à trois reprises, en trois prises, donc c'est pour cela qu'il est un devoir de demander l'intercession à Allah seul. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وإياكم. طيب إذا كان فيه سؤال حول ما تطرقنا إليه فبه بإذن الله. S'il y a une question concernant ce qu'on vient de voir, le temps que, Inch'Allah, l'heure de l'Isha rentre. Oui, dans le temps, Inch'Allah.